raconté d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Je te rouge, je te fume à 11 bars. Ceinture noire, jeans noirs, tout baigne, flaque de sang, Loubain, oligarchie, tout le règne. Je délocalise à Sofia en Bulgarie, de K18, ça arrive, ça s'implante fort dans tout le pays. Hein. Tout cueille tous les jours. Au-dessus toutes les tours, samedi toutes les touches. Ça cherche l'or et les blue honey. Boulet noir comme dans Juhana, sans tasse de Tijuana. Tu vas pas sortir si tu fais le stage. Tape dans le bendo comme dans le restage. Clan de 16 masses dans le rap. On est dans le sacrifice de masse. Plus trop de temps, ça arrose tous ces fils de as. S au flemme, ça record dans le KGB. Technique fatidique au microphone, dance, gravisi. Régulation population. Sacrifice de masse. Effet faux. Arme biologique. Trafic d'organes. Réseau pédophile. Esclavage. Maroc. Négrophobie. Charlie. Bachar. Hassan. Équipe. SO New York City. Queen's Virgin au bébé. Avec l'auto sur la prod comme dès qu'on est au DB. SO le roi Enoch. J'arrive énorme méga. Mon humo drogue légale, trop cubé comme corps méga. Chaque jour fuck les loups de ouf. Alphonse, j'arrive mal France. Dans au moins 3 drogues, j'pilote. Et j'vois flou de ouf. Et sous l'enfant finesse. Et sous Jack Boy Necro. Je les finesse en finesse. J'remplis la jauge pour que ça rentre en finesse. J'arrive avec les tactiques Rital. J'me sens comme Carlo. À la tête de l'organisation, j'me sens comme Marlo. Là pour les gros virements, négro les gros chèques. Stop internet crochet, j'ai les techniques des projets. J'fume Fulin dans la limonade. Négro la Lorina. J'fume le King Hassan. Négro, j'fume la Gorilla. Équipe. Congo gère les VHR, négro, je suis avec Biggie vers CHR. Biggie, régulation population, sacrifice de masse, effet faux, arme biologique, trafic d'organes, réseau pédophile, esclavage, Maroc, négrophobie, Biggie, Charlie, Bachar, Hassan, équipe. Et autres castes, voilà, Haïti. Kim Jong-un, des respects. Ouais, il a dit non. Fukushima, Wolfgang, l'Ouganda, Angola, les pires de Sierra Leone, Cameroun, Congo, trafic d'uranium, trafic d'opium, l'Ossétie du Nord, Afghanistan, Zamzam, Mogadiscio, Mayerotis, REAA, Moody et la ville de York, Afghanistan, 300. Qui a financé la deuxième guerre? Et là, on dirige la guerre.